Le gai savoir. La Gaia Scienza. Aurore est un livre affirmatif, un livre profond, mais clair et bienveillant. Il en est de même, mais à un degré supérieur, de la Gaia Scienza. Presque dans chaque phrase, la profondeur et la pétulance se tiennent tendrement par la main. Une strophe qui exprima ma reconnaissance pour le merveilleux mois de janvier que j'ai vécu, le livre tout entier est un présent de ce mois, laisse deviner suffisamment du fond de quelle profondeur la science s'est faite gaie ici. Toi qui d'une lance de flamme, de mon âme a brisé la glace, et qui la chasse maintenant vers la mer de ses plus hauts espoirs. Toujours plus clair et mieux portant, libre dans une aimante contrainte, ainsi elle célèbre tes miracles, toi le plus beau mois de janvier. Ce que je veux dire en parlant des plus hauts espoirs, personne ne saurait en douter qui, à la fin du quatrième livre, voit apparaître, dans un rayonnement, la beauté diamantine des premières paroles de Zarathoustra. Personne qui lit les phrases de granit à la fin du troisième livre, où la destinée pour la première fois et pour tous les temps est mise en formule. Les chants du prince Vogelfrei, composés pour une bonne partie en Sicile, rappellent très expressément la conception provençale de la Gaia Scienza, avec cette unité du ménestrel, du chevalier et de l'esprit libre qui différencie cette merveilleuse civilisation précoce des Provençaux de toutes les cultures équivoques. Le dernier poème, en particulier, pour le Mistral, une exubérante chanson à danser où, avec votre permission, on danse par-dessus la morale, est parfaitement dans l'esprit provençal.